les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1960, au cours d'une série d'entretiens menés par Hélène Tournaire, Jean Renoir évoquait le souvenir de la décennie qu'il passa aux États-Unis. Sur le bateau qu'il avait conduit de Lisbonne à New York à la toute fin de l'année 40, il avait fait la connaissance de Saint-Exupéry. Dans le quatrième épisode de cette série, il racontait leur projet, hélas inabouti, de porter à l'écran « Terre des hommes », l'un des récits autobiographiques de l'auteur du Petit Prince. Il évoquait aussi avec tendresse le souvenir de Gabriel Renard, qui fut à la fois sa nounou et l'un des modèles favoris de son père. À son propos, Renoir dit qu'elle était un mélange de simplicité et de truculence, qui n'est pas sans évoquer bien des personnages de son cinéma. Entretien avec Jean Renoir par Hélène Tournaire, quatrième volet, première diffusion sur France 3 Nationale le 3 juin 1960. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tournaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, nous vous avons laissé au moment où vos travaux et les travaux de Saint-Exupéry vous séparaient l'un de l'autre. Êtes-vous resté en relation ? En relation très étroite, parce que Saint-Exupéry avait la manie des trucs, la manie des joujoux scientifiques. Il ne s'achetait pas de train mécanique parce qu'il n'osait pas. Mais s'il avait osé, il aurait été entouré de trains mécaniques et de petits avions et d'histoires comme ça. Alors, il remplaçait les trains mécaniques et les petits avions avec, par exemple, des stylographes perfectionnés. Je me rappellerai toujours son ravissement devant le premier stylographe Parker à plume cachée et soi-disant avec pression inaltérable pour l'avion. Quand il a vu ça, et avec encre séchant tout de suite, on n'avait pas besoin de buvard, il était dans une joie folle. Et les machines à écrire, ah, il aimait les machines à écrire. Alors il s'était acheté un très beau enregistreur sur disque, et il enregistrait des disques. Et alors quand il est parti à New York, il se servait de ces disques pour continuer notre conversation. Alors, il vous fallait une machine pour lire, à vous aussi. Ah, ben, j'avais un tourne-disque. Oui, il m'envoyait un disque, ou plutôt à Dido, parce que c'est à Dido qu'il aimait faire des tours de cartes. Alors, il faisait des tours de cartes à Dido par disque. N'est-ce pas? Il lui disait, voilà, vous prenez le jeu de cartes, vous le battez, vous allez dans la pièce à côté, coupez, ouvrez, regardez bien votre carte, etc. Et le plus étrange, c'est que ça marchait par disque aussi bien que lorsqu'il était là. Maintenant, le résultat, il fallait que nous le lui communiquions par téléphone. C'est vous dire qu'entre les disques et le téléphone, notre conversation ne s'est pas arrêtée pendant son absence. Et je vais vous dire une autre chose, heureusement, parce que je devais le revoir assez peu. Oui, je devais le revoir assez peu. Nous sommes retournés à New York, je ne sais plus pourquoi, enfin nous sommes allés à New York et nous l'avons vu. Et il se préparait à partir, il venait d'être accepté. Réaccepté dans l'armée. Mais il n'avait pas eu d'ennui pour sa carrière littéraire. Il avait adopté la coutume américaine de passer par un agent. C'était possible? Non, voilà. Saint-Exupéry avait à New York un agent qui s'appelle Becker et qui était un être exquis. C'était pas un agent, c'était un ami. D'ailleurs, il est l'ami de beaucoup d'auteurs français. Et alors... Enfin, on ne peut pas appeler Becker un agent, c'était un être charmant avec lequel nous aimions nous promener, parler. Mais alors, un jour, je l'ai emmené chez un vrai agent, mon agent à moi qui était un véritable agent, et je l'ai emmené chez un agent parce que nous voulions faire un film ensemble avec Saint-Ex. Nous voulions, je vous l'ai dit, faire un film sur son histoire de l'Amérique du Sud, oui. Et aussi sur la partie où il a été perdu dans le désert. Alors nous sommes allés voir mon agent. Et nous sommes entrés dans un très beau bureau, un bureau où il y avait quelque chose qui a beaucoup étonné Saint-Exupéry, c'était une bibliothèque fausse. Cette bibliothèque était bourrée de livres anciens, avec des couvertures authentiques, des reliures authentiques du XVIe et du XVIIe siècle, mais on avait enlevé les livres qui étaient à l'intérieur. Et ces reliures étaient devenues tout simplement une porte qui coulissait et qui découvrait un magnifique bar avec de l'excellent whisky. Alors déjà ça, ça n'avait pas beaucoup plu à Saint-Ex. Il fronçait les sourcils et il regardait ça d'un air péjoratif. Et alors l'agent, n'est-ce pas, l'a fait asseoir très poliment et lui a dit « Alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous êtes acteur? Vous voulez un rôle ?» Il a dit « Non, non, je suis pilote. » N'est-ce pas? Et l'agent n'a pas très bien compris. Il a dit « Pilote, pilote, mais je ne m'occupe pas d'aviation. Vous voudriez une place dans une ligne commerciale ?» Et alors, Saint-Ex a dit « Pas pour le moment, parce que j'ai un livre à écrire, n'est-ce pas ?»« Ah, vous écrivez aussi ?» Oui, enfin, on a pu expliquer à l'agent que nous lui demandions de nous aider à trouver un producteur pour notre projet. Et l'agent a dit que tout ça n'était pas extrêmement commercial. Il a dit que ça manquait de suspense, que ce n'était pas dramatique et qu'il nous souhaitait de réussir, mais qu'il nous conseillait d'aller dans un autre pays pour produire ce film, peut-être au Mexique, où ils ont des idées bizarres. Et je me rappellerai toujours, Saint-Exupéry, à la fin, ne disait plus un mot. Et il regardait ce monsieur qui parlait, qui voulait être aimable, et qui était aimable d'ailleurs. Et en sortant dans l'escalier, il m'a dit, ou plutôt dans l'ascenseur, vous pensez bien que chez un agent aussi somptueux, il n'y avait pas d'escalier. Dans l'ascenseur, il m'a dit « C'est un affreux !» Mais Saint-Ex n'a pas tardé à reprendre du service. Ben oui, n'est-ce pas, il a pu être accepté. Remarquez qu'il y a eu beaucoup d'hésitations parce que pour piloter un avion de chasse, ben, il faut être assez jeune. Et Saint-Exupéry était jeune, mais enfin, il avait tout de même dépassé l'âge normal du pilotage d'avions rapides. Et enfin, vous connaissez l'histoire de sa fin, on ne sait pas s'il a été descendu par un Allemand ou s'il a eu un accident. En tout cas, un jour, il est parti en avion du terrain d'aviation où il était cantonné, en Afrique du Nord, et puis il n'est pas revenu. Nous avons appris ces nouvelles en France par quelqu'un que vous avez, je crois, rencontré en Amérique et qui est Pierre Lazareff. Oui, nous avons vu Pierre Lazareff tout le temps. D'abord, Pierre Lazareff et Saint-Exupéry étaient des amis intimes, ils s'adoraient. Et grâce à Saint-Exupéry, je connais maintenant, Pierre Lazareff, et c'est pour moi quelque chose de très précieux, parce que c'est un homme extraordinaire, et je me souviens de lui pendant la guerre, je me souviens de ce mélange de réalisme et de rêve qui est le sien, je me souviens de cette précision, je me souviens aussi d'une espèce de don de devin, car s'il y a un homme qui n'a jamais douté de la victoire finale, c'est bien Pierre Lazareff. J'ai l'impression qu'il aurait même pu nous en décrire les phases. Mais il ne parle pas l'anglais, ou il ne parlait pas l'anglais à cette époque-là. Il le bredouillait, mais ça n'avait pas d'importance, n'est-ce pas? Il fait partie des gens, d'ailleurs comme Saint-Ex, qui peuvent s'exprimer dans n'importe quel langage. Oui, bien sûr, étant donné qu'il faisait ses émissions en français, alors au fond, pourquoi aurait-il dû bien parler l'anglais? Mais Madame Lazareff parlait très bien l'anglais. Mais il y avait d'autres Français en Amérique, comme Darius Milhaud. Donne-t-il ses cours en français ou en anglais? Darius Milhaud donne ses cours en musique. Alors la langue n'a pas d'importance. Il est à Mills College. Vous connaissez Mills College? Je ne connais pas Mills College. Ah ben voilà, c'est un collège de filles. Remarquez que ce qu'on appelle un collège en Amérique et n'est pas tout à fait ce que nous appelons un collège en France. Beaucoup d'universités s'appellent collège en Amérique. Collège signifie réunion d'élèves. Et Mills College va plus loin que le baccalauréat, prépare à des degrés universitaires qui correspondent à la licence ou même au doctorat. Et alors c'est une institution extrêmement élégante où les jeunes filles de bonne famille californienne vont parachever leurs études. C'est une institution qui a toujours été marquée sous le signe de la culture française, mais surtout pendant la guerre, où il était impossible d'aller en France. Maintenant, cette importance de la culture française à Mills a décru, pour une bonne raison, c'est que les jeunes filles des familles californiennes peuvent prendre l'avion et venir au couvent des oiseaux à Paris, ce qu'elles font. Pouvez-vous nous décrire la vie de Darius Milhaud dans ce collège? Eh bien, Mills College est au milieu d'un immense parc. C'est à Oakland. Oakland est un faubourg de San Francisco qui est de l'autre côté de la baie. C'est-à-dire que quand vous êtes à San Francisco, au lieu d'aller du côté de la mer, vous allez vers l'intérieur des terres où il y a cet immense lac qui est naturel, qui se déverse dans la mer et qui lui-même est formé par l'arrivée dans une dépression de terrain de la rivière Sacramento. Et autour de ce lac, il y a des petites villes différentes qui sont pratiquement des faubourgs de San Francisco. On a construit un pont qui traverse toute la baie. C'est un des beaux panoramas du monde. Et alors, à Oakland, il y a Mills College qui est au milieu d'un énorme parc d'eucalyptus. Les eucalyptus poussent très bien à San Francisco et toute la banlieue de San Francisco est couverte d'eucalyptus. Alors, au milieu de ce parc d'eucalyptus, il y a beaucoup de petites maisons. Il y a certains grands bâtiments pour les études, mais beaucoup de maisons de professeurs, voire même pour certains cours, sont des toutes petites maisons. Et Darius Milhaud habite une de ces petites maisons qui est avec des tuiles romaines. On se croirait un peu en Provence, à part les eucalyptus, bien qu'il y ait des eucalyptus en Provence aussi. Mais enfin, il n'y en a pas en bois comme ça. Là, c'est une forêt d'eucalyptus. Et alors, il est là, exactement comme il serait en France. Il reçoit des amis. Ses élèves, étant donné que son état de santé ne lui permet pas toujours de se déplacer, ses élèves viennent chez lui et il leur donne des cours. Et son influence est tout simplement merveilleuse et énorme. Je crois que nous pouvons être très fiers en France d'avoir un homme de cette valeur qui peut répandre l'influence de l'art français en Amérique. On a beaucoup parlé en France de la tenue des jeunes filles dans les collèges. Les jeunes filles américaines ressemblent beaucoup aux jeunes filles des autres pays. C'est-à-dire que tant que les mœurs les tenaient, eh bien, elles se tenaient. Avec la liberté, eh bien, elles se tiennent un petit peu moins, n'est-ce pas? Ce qui a surtout développé une certaine, enfin puis-je dire, liberté de mœurs, en Amérique comme ailleurs d'ailleurs, c'est l'automobile. Pourquoi? Parce qu'avec, écoutez, dans un pays où les habitudes sont assez strictes, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas emmener une camarade de passage à l'hôtel, n'est-ce pas? L'hôtel demanderait des papiers, s'inquiéterait, vous signalerait à la police. Alors l'automobile a changé tout ça. On prend une automobile, on demande à une jeune fille qui vous aime bien, que vous aimez bien, de vous accompagner, puis on va dans les collines, n'est-ce pas? Et puis voilà, n'est-ce pas? Ça a tout changé. L'automobile a absolument changé la mentalité des jeunes gens et des jeunes filles américains. Et tous les étudiants ont des automobiles? Eh bien oui, tout le monde a des automobiles en Californie. Il n'y a pas que les étudiants, n'est-ce pas? La première fois que je suis arrivé dans un studio, j'ai vu un immense parc automobile avec des centaines, des milliers d'automobiles. Je me demandais ce que c'était. C'était tout simplement les voitures des électriciens et des machinistes. Et évidemment, comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Puisque la vie est une vie de banlieue, puisqu'on habite loin. On habite presque jamais dans les villes. Non, New York a gardé des habitudes de ville assez longtemps. Il y a quelques années, il y avait encore des New-Yorkais qui habitaient New York. Maintenant, il n'y a plus que les New-Yorkais ou extrêmement pauvres ou extrêmement riches qui habitent New York. Les extrêmement pauvres dans des quartiers pauvres, les extrêmement riches sur Central Park, où on a la vue du parc et toutes les lumières de New York, où c'est très beau. Mais le New-Yorkais moyen habite en général à 40 ou 50 kilomètres en banlieue. Et d'ailleurs, il ne vient pas en automobile à New York, parce que la circulation y est impossible. C'est à peu près aussi difficile qu'à Paris. Non, le New-Yorkais moyen habite une petite maison de campagne, prend son automobile, va jusqu'à la gare de chemin de fer la plus proche et va en train à New York. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la télévision marche si bien en Amérique, car lorsque l'on rentre chez soi après une journée de travail, on n'a pas envie de reprendre l'automobile dans l'autre sens, puis le train pour aller à un spectacle. La crise du cinématographe pourrait peut-être s'expliquer par cette vie de banlieue? En partie, et par le goût des plaisirs naturels qui semblent si forts dans tous les pays du monde maintenant. Je crois que si en France on va moins au spectacle, c'est tout simplement parce qu'on va aussi dans la forêt de Fontainebleau, en deux chevaux ou en Vespa. Alors pendant qu'on est dans la forêt de Fontainebleau, on ne peut pas être au spectacle. Une chose assez curieuse à observer est que presque tous les bourgeois français qui vont en Amérique reviennent assez vite et les ouvriers restent en Amérique. Oui, c'est vrai. Écoutez, ça se comprend très bien. Les ouvriers américains sont mieux logés. Ils peuvent avoir la fameuse petite maison avec le petit jardin. Ils peuvent avoir leur voiture. Les ventes à tempérament sont de pratique courante depuis très longtemps. de sorte que l'on peut acheter toutes les commodités pour une maison. On peut acheter des frigidaires, des broyeurs d'ordures, enfin tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Enfin, il y a des clubs de golf qui ne coûtent pas cher, n'est-ce pas? Un ouvrier peut très bien faire partie d'un club de golf et envoyer son fils dans une bonne université. En France, c'est tout de même plus rare. Donc, pour les gens qui ont à travailler, l'Amérique, tout de même, présente des avantages. Au contraire, le Français aisé trouve en Amérique quelque chose qu'il n'aime pas, c'est la difficulté de se faire servir. Ce que nous appelons la bonne n'existe pas en Amérique. Par quoi la bonne est-elle remplacée ? Elle est remplacée par la machine à laver, le broyeur à ordures, la machine à laver, le frigidaire et tout ça. Cireuse automatique. Jean Renoir, quelles sont les raisons qui ont amené Gabriel, le célèbre modèle de votre père Auguste Renoir, à vivre en Amérique ? Eh bien, Gabriel avait épousé un Américain, le peintre Slade, Conrad Slade, un homme absolument charmant et qui a beaucoup suivi mon père, qui s'en est beaucoup inspiré, et qui aimait la France à un point tel que même avec l'invasion nazie, il ne voulait pas s'en aller. Et il n'est parti, et Gabriel et leur fils Jean ne sont partis pour l'Amérique que lorsque l'Amérique étant entrée en guerre, ils risquaient de devenir des sujets ennemis et d'être mis dans un camp de concentration. Alors ils sont venus en Amérique, ils sont d'abord allés à Boston, parce que Slade était d'origine de Boston. Vous savez que Boston est la ville ancienne des États-Unis, la ville des traditions, n'est-ce pas ? Puis, au bout de quelques mois à Boston, ils s'ennuyaient un petit peu. Alors, je leur ai conseillé de venir me rejoindre en Californie. Je savais qu'ils y trouveraient des orangers, qu'ils leur rappelleraient les orangers de Provence, des oliviers et le soleil. Alors ils sont venus. Pouvez-vous nous parler de Gabriel et de sa vie chez vous ? Bah, écoutez, la vie en Amérique avec Gabriel a été une vie de voisinage, n'est-ce pas ? Nous avons habité très longtemps une maison dans une partie de Hollywood qui est un peu démodée maintenant, qui est un peu ancienne, une maison en bois, une maison charmante d'ailleurs. Tout le monde connaît, le monde entier connaît les traits de Gabriel, immortalisés par votre père, mais nous ne connaissons pas son caractère. Eh bien, Gabriel était un personnage absolument considérable. C'était un personnage qu'on ne pouvait pas approcher, je ne dirais pas sans l'aimer. Ça, bien sûr qu'on l'aimait, mais il y a beaucoup de gens qu'on aime. Mais sans être influencé. Elle n'a jamais appris l'anglais. Mais par un langage mystérieux, par le truchement, je ne sais pas moi, d'expressions, de physionomie, de signes, elle avait des conversations avec tout le monde, que ce soit le facteur, le laitier, ou des voisins qui venaient la voir, ou des gens qui venaient la voir même de très loin. Car elle avait une influence insensée. Non, Gabriel était un personnage qui était tellement simple, tellement direct, tellement ignorant de tout intérêt matériel, tellement en dehors de ce que peuvent être l'ambition, l'argent, tellement humble, tellement effacée et en même temps tellement truculente que, de par sa simplicité absolue, elle avait une influence. Si Gabrielle avait été ambitieuse, en Californie où les religions bizarres fleurissent, je suis sûr qu'elle aurait pu fonder une religion. Nous avons parlé aujourd'hui, Jean Renoir, de vos amitiés, de votre vie quotidienne en Amérique. Si vous voulez bien, à notre prochaine rencontre, nous parlerons de vos travaux. C'était Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourdaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 3 juin 1960. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.